Ima motonga asima mapeka, asima mapokoe, na kwani motogo. Malaka, otambwisinga moto, sima motonga asima mapeka, malaka singa na kwani motogo. Trouvez, trouvez, ezaka moto sera ngonga mama. Tataneli tongo libanda pona kozela malaka soko mienzamba mama. Trouvez, trouvez, ezaka moto sera ngonga mama. Tataneli tongo libanda pona kozela malaka soko mienzamba mama. Nyame motema, napenga pepe mapeti papenga ipi. Seke dese rango sana nako kanisa. Nenega, sheri yeye. Nenega, mwana mboka iya ogo ogo ogo. Na poto malo bae, mami peanila. Na braza balo bae, mami anila. Nchasa balo bae, na ipena lila. Nyame motema, napenga pepe mapeti papenga ipi. Seke dese rango sana nako kanisa. Nenega, sheri yeye. Nenega, mwana mboka iya ogo ogo ogo. Motema rangai, motema rangai. Nako sekai, mote marangai. Nako binai, mote marangai. Nani ziki, mote marangai. Nene, shegiye. Nene, shegiye. Nyame mote mai. Nabe nabe beba peti babe na ipi. Seke dese nako sara nako kalisa. Nene, napenga yo nani, napenga yo Emma, napenga yo nani, napenga yo Emma. Gai adabu, yoni raiyo. Gai adabu, yoni raiyo. Nyame motema, napenga bebe mapeti babenga ipi. Seke dese nako sala nako kanisa. Nenega, sheri yeye. Nenega, mwana mboka iyo ogo ogo. debo. Qu'est-ce qui se passe au juste? Papa Tika, Nasa ou quitte na descendre na TCC. Tu n'y que tout un monde. Masa ou bunda. Or que foremana kasus basse pas joie, un petit nabango. Alors, Yusa ou l'ouvanin. Okunaza zien, okunazali zien. Alors, Nasa ou pèse à conseil, Nasa ou pèse à conseil, Asa ou dimate. Alors, ah on a un centre, on a un centre, un centre à dimeteko. Alors, ma maître va faire pèse éduqué, va faire pèse éduqué, va faire pèse conseiller. Ma maître va faire zou, ma maître va faire zou bate. Alors, tout le monde a moins qu'on en a yo. Kakambo! Bana mamelo bakati singa.